c'est car j'ai baissé ma garde. Garde à vous, on m'a dit, c'est le chétan, c'est pas les risques à prendre, c'est lourd, laisse tomber. Des pierres tombales, ça court déjà à tous les cités. Y'a pas de quartier, on a tous été touchés à l'intérieur. Dur à cicatriser, eh petit, je vends du crack, t'iras pas loin, tu finiras comme un tolard. Laissé dans un coin d'une page, on oubliera ton place. Ouais, je suis placé de dire ça, mais c'est naze, c'est pourri la vie. Si je pars maintenant ou demain, ou t'as l'air pour eux, c'est qu'un dealer en moins. L'état assassine, sous les manes, on a été victime, j'en passe, c'est bien réel, ce n'est pas un film. Mon livre est triste et ivre, mélancolique, comme une bouteille devant son alcoolique. J'ai fait le tour et signe. J'ai menace record, premier album que sort, condamné à mort. Car au fond, on va tous mourir au fond d'un trou. Seul y'a plus de bonhomme ou de bouffon. J'ai perdu mon frère, voilà, ça fait mal. Tu peux pas me comprendre, mais j'suis toujours hal. Fier, quitte à le rejoindre, j'ai rien à perdre. Plus de potes là-bas qu'ici, j'ai pas à me plaindre, c'est dead. La police nous court derrière, barrière sur barrière, quadrillé comme des hamsters. J'ai besoin de respirer, aller leur dire, on se tire dessus. Fini le temps de Casimir, j'arrive plus à dormir. Le soir à Ville Judas, les traites sont là en bas. J'entends, faut qu'on m'abat. Peur que de Dieu, je porterai jamais la jupe. Par paix jusqu'à la mort, madame la juge. Je suis coupable, innocent à la fois. J'essaye, mais on s'efforce, mais ils veulent pas de noir. On me traite de raciste, d'islamiste, mais je suis pas plus pratiquant qu'Abdel Malik. Je fume du shit, je bois, je suis pas parfait. En fait, tout ce que t'as fait, je l'ai fait et refait. Qu'est-ce que t'as gagné ou j'ai gagné un place. Le barge, c'est une case où ils veulent que je me casse. Je n'espère sur B, demande à BEN. À ce temps si les encardiens se font cramer les deux ailes. La joie, c'est pute, elle est devenue suicidaire. Une cavale après la chance, rêve que le destin se soucie d'elle. Je n'espère sur B, demande à BEN. À ce temps si les encardiens se font cramer les deux ailes. La joie, c'est pute, elle est devenue suicidaire. Une cavale après la chance, rêve que le destin se soucie d'elle. Ok, Willy le barge, 75018 Bezbar. Rest in peace pour tous ceux qui nous ont quittés. Ok les frères, on pense à vous. Le combat continue.